Ouais, ok. Aïcha, ok. Aïcha. Y'a trop de choses à dire et j'ai pas par où commencer. Ici on côtoie le pire et le meilleur, j'ai pas commencé. Dans ma rue c'est trop trash, habit grave tard dans la nuit pour s'évader, ça s'enfume, sentier pire. L'homo motivé par le bif déserte l'école, traîne dans les halls, les artistes de l'alcool. Génération velette des épais guignols, tous inspirés par des films de mafioso. Ici pour se réchauffer, ça brûle des voitures et quand ça tague sur les murs, ben y'a des rats. Radié par ce système qui sème le sème. Tu comprends pourquoi ils rigolent tout en notre haine. À Barbès à n'importe quelle heure, c'est le bordel. Pour ça quand on en parle, mec, ça fait fort mal. C'est le bordel. Comme passé, c'est vacances à Wahala. C'est le bordel. On est tous attirés par le chétan. C'est le bordel. Parce que la récidive nous condamne. C'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bordel. Le tartare est briefé, y'a pas de flip flap, que de la frappe, que je vis ça relance, beau. T'as pas compris, c'est plus boire promis sur le crack. Bip moi quoi de faux chose qu'elle, moi c'est que bolostel. J'espère que t'as teasé ta NK. 7-5-0-18, ouais c'est le bordel. Chante là comme la drogue, ouais c'est mortel, c'est le bordel. Une envie pressante, j'ai la halo, j'prends mon bordel. J'fais mon cocktail, c'est le bordel. Pour les mecs en bas, dans les poches c'est sec, c'est mortel. Combat, c'est portérique, apathique. Noir des balles, tueuse de flic. Suce ce bite, faites pas aux tueurs de bite. Content ou pas content, c'est portérique, est-ce que t'entends? Barbès Barclan. Eh, hey, attends-toi, eh, hey, attends-toi. On fout le bordel, préparez les munitions, c'est le bordel, j'suis en mission. Ça va être chaud, y'a de l'action. Signé Bespard sur la version, il fait noir sur ma station. On est prêt pour la baston, ouvre les yeux, on est au front. Et c'est Death, c'est le blason. C'est le bordel, ni avant, et pas pendant l'appel de la telle. Mais après, c'est le bordel, avec ou sans son. On te laisse des séquelles sans raison. M'appelle non, sans aucune comparaison. Parce que c'est le bordel, que ça fout les frissons. Au lieu de grossir, sache que nous maigrissons. Et ça fait du typiche que nous s'agissons. Ça fout le vertige, sur le CV y'a plus des PV. C'est le bordel, le C5 a dérivé. Car notre plaque est un prestige privé. Tout le monde se fiche et craque à notre arrivée. Les Thames et les Mac, 16-15-26-35. C'est la guerre, aïe, toujours éventreur comme Jack. Secret connexion, connexion, toujours éventreur comme Jack. Puis le barge, secret connexion. Zone 106, j'injecte le nectar de mon Mostar. En direct, baisse pas. Le message est le même en survêt ou en costard. Reste attentif sur le caractère intentatoire de mon speech. Parole qui laisse, s'envoie comme un switch. J'étais riche, j'abolirai leurs clichés facho. Chacune de mes apparitions vous ferait l'effet d'un salto. Foutez le cramp, ouais, t'avances le baltrin de furet. Hey, je te préviens, je vais tirer que tu crèves. J'en ai rien à cirer. Tu pollues mon environnement sonore. Ça fait 10 piges que je me prends le chou. Si tu veux pas finir mon tête à la Sarah Connor, quitte la ville, évite-moi comme la peste. Je me complais pas dans ça, mais je suis au PS. Si tu veux test, c'est le bordel. Nos bras faits, c'est vacances à Wahala. C'est le bordel. On est tous attirés par le chétan. C'est le bordel. Parce que la récidive nous condamne. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Les toxicos souffrent d'un mal que les gars de ma rue peuvent soulager. Chez nous, les drogues se vendent que des petits pères chez le boulanger. Je viens du ghetto où Akon a fait son clip. Et l'MC qui l'accompagne, on faille chier dans leur slip. Yeah. C'est dangereux, demande à Willy B. On n'est pas venu pour se nerfer, nous ne font pas au bénéfice. Yeah. Le thème c'est le boxon. Et si le petit arrête l'école, pourrait couler de l'orçon. C'est le bordel, et ils veulent qu'on soit en bas de l'échelle. On se déchaîne, voilà pourquoi je te lâche un 8 dans ma selle. C'est le bordel, trafic multiple dans nos ruelles. Agression tout type, vici sur le toit en jumelles. C'est le bordel, un flic corrompu qui te laisse des séquelles. Formel qui te pose la question et demande celle qu'elle. Nika Moka, c'est le bordel dans tous les blocs. Là, c'est bien Moha, tu me cherches, tu as rue Kapla. C'est le bordel, mes rimes et grâces comme Godzilla. Sarko se fâche, les MC flanquent en pleurant, mais moi je suis là. C'est KO, même les meufs parlent comme des mecs. La canicule des froids et des anglons veulent quitter cette planète. Trop son panel, ça se bute à la galette. Ici on débroye comme si t'avais du pif dans la mallette. J'ai la paix droite à gauche, devant, derrière. Aujourd'hui le Pentagone a qu'une envie, on voit la bombe nucléaire. Ça suce trop de dingue dans la street. Les tupus on bat les reins, maintenant on voit des thés sur les flics. Y'a plus petit, plus de grand. Pour mon quartier barbé, j'suis venu te verser quelques gouttes d'acide sur le gland.